Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette émission de Le Haut-Saint-François dans le Progrès de l'Est. Je réalise depuis plusieurs mois une version audio du Progrès de l'Est, journal qui a vu le jour à Sherbrooke le 25 août 1883. Je présenterai dans cette rubrique ces articles tirés du Progrès de l'Est qui parlent de ce qui se passait dans notre région à l'époque. Cet extrait, tiré de l'édition du 22 septembre 1883, nous mentionne la visite de M. Sawyer, député de Compton, à Saint-Malo, afin de promouvoir un projet de chemin de fer du Vermont à Courchir. Saint-Malo d'Auckland. La semaine dernière, M. W. Sawyer, député du comté de Compton, est passé ici dans le but de faire mousser un projet de chemin de fer. Il s'agit d'un embranchement qui s'étendrait de Canaan, Vermont, jusqu'à Courchir. Une assemblée des citoyens a été tenue à ce propos et M. Sawyer a expliqué la nature de l'entreprise.